faut pas pleurer. C'est juste un mal syndicat. Les haineux parlent beaucoup, c'est normal, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est l'Icaon, un soldat Kofisi, 26 000 sans-sons gravés sur le missile. On m'a dit dans ce biz, y'avait que des grizzlies. J'arrive dans la zik, les MC font grise mine. Un son vaillant qui fait le tour de ma ville. J'ai le talent taillé au bout de ma mine. Miné, c'est les minots élevés à nier l'effet criminel. Un mini boy au rib, un bête de rime, c'est le minimum. J'aime la compète, j't'en ai contraint. J'ramène du concret, c'est pour ça qu'on me craint. J'pars à la conquête, mais on est combien? J'vais rayer des têtes, en attendant j'me contiens. La qualité d'un MC, on sait que c'est sa constance. J'te fais sniffer ma zik avec un rail de bon sens. N'oublie pas, on a poussé au quartier. On perd un tête-tête, on revient tout charclé. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. Un 10 000 sans son, gravé sur le missile. Un petit lica, on commet des homicides. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. 26 000 sans son, gravé sur le missile. Je sens malsain, commet des homicides. Son qui restera dans les annales tapettes. T'as du flow, mais les lyrics d'un analphabète. J'ai le gosier qui recrache des lyricales roquettes. Ferme ta gueule et vide tes poches, c'est un verbal raquette. C'est pour les vandales au help, c'est les vrais gars honnêtes. Si je perce pas dans le rap game, je ferai de la vente d'armes au bled. Même en chien, j'ai trop d'orgueil pour crier à l'aide. De toute façon, moi, ce qui m'importe, c'est de faire des billets à l'aise. Alors je débarque en affolant les faux MC, les médisants. Le jeu sain vous a médusé, j'ai le sourire en vous maudissant. Les gros sont longs et affûtés, faites-moi tourner le beefsteak. L'attention montre est discret, bienvenue dans le business. Juste un tir de sommation avant l'attentat lyrical. C'est le 26 000 sans son, ça sent total illégal. LY, c'est jeu sain, combinaison idéale. Au micro, on fout la merde comme une équipe d'hooligans. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. 26 000 sans son, gravé sur le missile. Un petit lica, on commet des homicides. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. 26 000 sans son, gravé sur le missile. Je sens malsain, commet des homicides. Commet des homicides, commet des homicides. À domicile, 26 000 sans son. L'arrivée du maxi, maxi, maxi. On fait la même musique, on devrait être unis. Eux ils emmerdent le monde comme les États-Unis. Ici on s'entête à faire la course à l'oseille. On déteste les traîtres, on est des Saddam Hussein. On est dans la surface, on va pas tergiverser. À une deux avec Jessin, LYC. On fait gagner l'équipe, on ramènera le titre. C'est le remake de Messi et d'Ibrahimovic. Quand on part en impro, bah ouais ça michetonne. Comme un piéton face à Lewis Hamilton. On fait pas d'efforts nous, bah ouais ça picole. Pourquoi on n'est pas connu, bah ouais ça. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. 26 000 sans son, gravé sur le missile. Un petit lica, on commet des homicides. J'ai le flow qui fume, mon haleine sans l'acide. Tragique, ma zik, l'arrivée du maxi. 26 000 sans son, gravé sur le missile. Je sens malsain, commet des homicides.